الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله. mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le mardi 5 Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 28 avril 2020, je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre notre lecture dans le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, au sujet de la biographie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cours dernier, le dernier cours, on s'était arrêté au sujet, on s'était arrêté quand on a parlé de Ummu Ayman, Baraka al-Habashiyya, radiyallahu anha, qui a pris le prophète alayhi salatu wassalam en charge après le décès de sa mère, Amina bint Wahb. Et ceci était sous la tutelle de son grand-père, Abdul Muttalib. Son nom est Shaybatul Hamd. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a atteint l'âge de 8 ans, son grand-père, Abdul Muttalib, est décédé. Son grand-père est décédé. Et il a demandé à son fils Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, de s'occuper et de veiller sur le prophète alayhi salatu wassalam après lui. Donc il a demandé à Abu Talib, et non pas à quelqu'un d'autre parmi les oncles du prophète alayhi salatu wassalam, parce que Abu Talib, c'est le frère de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est son frère germain, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la même mère et du même père. Avec une autre sœur qui s'appelle Atika. Donc, la mère d'Abdullah, qui est Fatima bint Amr al-Makhzoumiya, épouse d'Abdul Muttalib, a eu 3 enfants avec lui. Elle a eu le père du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah, et elle a eu Abu Talib, et elle a eu Atika. Et ça, c'est comme on a vu précédemment, Abdul Muttalib a eu plusieurs épouses et de plusieurs mariages, dans la totalité, il a eu 11 fils et 6 filles. Il y a des savants qui disent qu'il a eu 12, il y a des savants qui disent qu'il a eu 10. En tout cas, on va rester sur ce chiffre, il a eu 11. Et les 11 fils de Abdul Muttalib, il y a eu uniquement 4 qui ont vécu après que le prophète alayhi salatu wassalam soit devenu prophète. C'est-à-dire que les autres, les 7 autres frères de Abdullah, père du prophète alayhi salatu wassalam, sont tous décédés avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Avant l'islam. Et les 4 qui ont vécu jusqu'à dans l'islam, ce sont Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas et Hamza. Et 2 seulement sont entrés dans l'islam. et deux sont morts dans le kufr. Wal'iyadu billah. Avec une différence, c'est que Abu Lahab, c'était un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Et une des personnes qui lui faisait le plus de mal. Contrairement à Abu Talib, qui veillait sur lui et qui le protégeait, et Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans son cœur un amour naturel pour le prophète alayhi salatu wassalam, plus que pour l'amour qu'il avait pour ses enfants. Et il le privilégiait par rapport à ses autres enfants. Et il a veillé sur lui jusqu'à sa mort. Et pendant toute sa vie, personne n'osait faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam, comme c'était le cas pendant le vivant de son grand-père, Shaybat al-Hamd, qui avait une certaine notoriété dans Quraysh, et une noblesse, au point où personne n'osait faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam, car il était sous sa tutelle et sous sa protection. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wassalam a été très triste quand son oncle Abu Talib est mort dans la mécréance et quand il a refusé l'islam, chose qu'on va voir plus dans les détails par la suite bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Abu Talib a pris le prophète alayhi salatu wassalam en charge après le décès de son père Abdul Muttalib, pour la raison qu'on a vue, et yani, il l'a pris en charge à partir de l'âge de 8 ans, et il l'a soutenu, et il l'a assisté et protégé comme personne d'autre ne l'a fait. Mais Allah a voulu, et sa sagesse, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, était que Abu Talib décède sur l'associationnisme et le polythéisme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a allégé son châtiment dans le feu de l'enfer par cette cause. Allah subhanahu wa ta'ala a allégé son châtiment dans le feu de l'enfer par cette cause qui est le fait d'avoir veillé sur le prophète alayhi salatu wassalam et de l'avoir protégé. Et Abu Talib, comme il a été rapporté dans des hadiths authentiques, c'est l'homme qui aura le châtiment, le moindre châtiment et le moins douloureux dans le feu de l'enfer. Et pourtant, de ce châtiment qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera deux pierres du feu de l'enfer sous ses talons, de ces deux pierres son cerveau bouillera et lui ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment pire que le sien. Et pourtant c'est le moindre châtiment qu'il y a en enfer, c'est le châtiment de Abu Talib par la cause de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam en sa faveur auprès d'Allah. Et ça, c'est une intercession unique. Il n'y en a pas deux comme celle-là. Intercession en faveur d'un mécréant. Mais c'est pas pour le faire sortir du paradis, de l'enfer. Afwan, c'est pas pour le faire sortir de l'enfer, car le mécréant ne sortira jamais de l'enfer. Mais c'est pour alléger son châtiment. J'ai cité les fils de Abdul Muttalib et les filles sont au nombre de 6. La première c'est sa fille, la mère de Zubair ibn al-Awwam, un des 10 annoncés au paradis. La deuxième c'est Atika. Il a été rapporté qu'elle est entrée dans l'islam suite à un rêve qu'elle a vu. La troisième c'est Arwa. Arwa. Et la quatrième c'est Umayma, la mère de Zainab bint Jahsh. la mère des croyants, épouse du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir divorcé de Zayd ibn Haritha, celui qui était appelé le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un fils adoptif. Mais après qu'Allah azzawajal a interdit que quelqu'un s'attribue à autre que son vrai père, yani, il n'était plus considéré ainsi, mais c'était le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, et son fils Usama, le bien-aimé, fils du bien-aimé, Al-Hibbu ibn al-Hibb, radiyallahu anhum jami'a. La cinquième, c'est Barra. Et la sixième, c'est Ummu Hakim al-Bayda. Et Arwa, Ummu Hakim, c'est la mère de Arwa bint Quraiz, la mère de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. La mère de la mère de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Après le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 12 ans, il a fait son premier voyage à l'extérieur de Mecca, en direction de Cham. Cham, aujourd'hui, représente la Syrie, la Palestine, la Jordanie, le Liban. Tous ces pays ont été regroupés sous le nom de Cham. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est parti en compagnie de son oncle Abu Talib dans un voyage de commerce, le premier pour lui, à l'âge de 12 ans. Et 13 ans plus tard, il fera son deuxième voyage, mais autant que commerçant, pour le compte de Khadija radiyallahu anha. Donc il est parti dans ce voyage avec son oncle, parce que son oncle ne trouvait pas quelqu'un pour lui laisser le prophète alayhi salatu wassalam pendant son absence. Et vous savez que les voyages, surtout les voyages commerciaux à l'époque, ça durait longtemps. Donc il allait s'absenter pendant une longue période. C'est pour ça, il a pris avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage. Et ça fait partie de son soin et de sa vigilance sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été rapporté dans les Sunan ou Jami' al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a jugé bonne, que pendant ce voyage, le prophète alayhi salatu wassalam a eu plusieurs signes pendant ce voyage. Parmi les signes qu'il a eu, c'est qu'il a été ombré par un nuage pendant ce voyage. Et également, quand ils se sont reposés à un endroit, un arbre a penché vers lui pour l'ombrer complètement. Et également, ils se sont arrêtés à un endroit dans lequel il y avait un grand adorateur qui s'appelait Bahira, un grand adorateur chrétien qui s'appelait Bahira. Ils se sont arrêtés pas loin de lui. Et cet homme Bahira, il a eu une grande histoire avec sa tribu, qui a fait qu'il les a quittés, il est allé vers les pays des Arabes. En tout cas, ils se sont arrêtés proches de lui, et quand il a vu certains signes sur le prophète, alayhi salatu wassalam, tels que les deux qui ont précédé et qui ont été rapportés d'une manière authentique, quand il a vu ces signes, il a ordonné à l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, de le ramener vers Mecca et de ne pas continuer avec lui ce voyage, par crainte que les Juifs ne le remarquent et qu'il lui fasse du mal. Le deuxième voyage vers la Syrie a eu lieu 13 ans plus tard, après ce premier, quand le prophète, il avait 25 ans. Quand il avait 25 ans, Khadija, radiallahu anha, de par tout ce qu'elle a entendu au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam, et de sa loyauté et de sa confiance, elle lui a demandé de mener une caravane commerciale pour elle vers la Syrie, ala sabil al-qirab, ay al-mudaraba. Al-qirab, c'est une forme d'entreprise où il y a une personne ou plusieurs qui mettent le capital et une autre ou plusieurs qui font fructifier ce capital contre un gain, une partie des bénéfices bien déterminés. Ça peut être 50-50, ça peut être selon l'accord entre les deux. C'est pas obligé que ce soit 50% chacun. Et elle lui a promis de lui donner mieux que tout ce qu'elle donnait avant aux gens qui lui faisaient ce travail. Et il est parti dans ce voyage en compagnie d'un serviteur de Khadija radiallahu anha, qui s'appelait Maïsara. Et Maïsara, pendant ce voyage, il a vu des choses impressionnantes chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme ils disent, as-safar, le voyage, yusfiru an ma'adin al-rijal wa akhlaqihim. Le voyage a été appelé safar en arabe, parce que ça dévoile l'origine de la personne, et ça dévoile la vraie nature de la personne, et ça dévoile ses comportements également. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Omar radiallahu anhu, quand quelqu'un faisait les éloges de quelqu'un, il lui demande « Est-ce que tu as voyagé avec lui ?» Car si tu voyages avec quelqu'un, il va pas pouvoir faire semblant pendant tout le voyage. Tu vas voir ses vrais comportements. Est-ce qu'il est patient? Et ainsi de suite. Et en plus, le voyage, ça t'éloigne de tes habitudes. Et ça peut être la cause de manque de patience. Et ainsi de suite. Donc, Maïsara a vu beaucoup de choses impressionnantes et étonnantes chez le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant ce voyage. Et également, dans ce voyage, ils ont pu rencontrer un adorateur chrétien, un prêtre ou un adorateur, parmi les chrétiens de l'époque, qui s'appelle Nastoura. Ils l'ont rencontré dans la ville de Bosra. Et quand ils se sont assis sous un arbre, Nastoura les observait de loin. Et après, il a dit, jamais il ne s'est assis en dessous de cet arbre une personne, sauf si c'est un prophète. Yani, il n'y a que les prophètes qui s'assoient sous cet arbre, comme si c'était un signe pour eux dans leur livre. Et ensuite, Nastoura a demandé au sujet du prophète Isa alayhi salam et a posé quelques questions, et ensuite il a dit: c'est un prophète et c'est le dernier des prophètes. Et pendant ce voyage également, il a eu un conflit, le prophète alayhi salam, avec un acheteur au sujet d'une marchandise. Et l'acheteur, il lui a dit: jure par Lat et l'Uzza. Et le prophète alayhi salam a refusé. Et il a dit qu'il n'a jamais juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce voyage également, parmi ce qui a été rapporté, c'est que deux anges ombraient le prophète alayhi salam quand la chaleur s'intensifiait. Ainsi que d'autres choses qui ont été rapportées dans ce voyage. Et à son retour, Maïsara a raconté à Khadija radiallahu anha ces choses qu'il a pu vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam pendant ce voyage, en plus de tous les éléments qui confirme sa loyauté et sa sûreté et sa confiance. Et c'est là où Khadija radiallahu anha a eu l'envie d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme comme ça, on cherche à l'épouser. Et ça, contrairement à certaines traditions, il n'y a aucun mal à ce que la femme elle-même, par le biais bien évidemment de son tuteur, elle exprime son envie d'épouser un homme pour sa piété et pour ses qualités religieuses surtout. Et pour ses qualités religieuses surtout. Comme l'homme, également, il doit chercher à épouser la femme pour, tout d'abord, pour ses qualités religieuses. Pour ses qualités religieuses, son comportement, sa aqida, son manhaj et son adoration. Ça, ça doit être le paramètre le plus important dans le choix de l'épouse. Mais c'est pas le premier paramètre qu'on va regarder. C'est le paramètre le plus important, mais c'est le dernier qu'on va regarder. Comme il a été rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah. Tout d'abord, on regarde les choses de dunya. Si l'homme a certains critères par rapport à la beauté, par rapport au physique, des choses comme ça, sans tomber dans le roulou et l'exagération. Sans tomber dans l'exagération même au sujet de dunya. Il cherche une femme, avec une noblesse dans son origine, ou une femme avec une richesse, une femme riche, et des choses comme ça de dunya, c'est les premiers qu'on va regarder. Et quand la personne est satisfaite de dunya, elle commence à se renseigner sur la religion. Comme ça, si jamais la religion est bonne chez cette personne, il va accepter dunya pour la religion. Et si la religion n'est pas bonne, alors il va refuser dunya pour la religion. Contrairement à s'il fait la démarche inverse. Il regarde la religion, il trouve, mashallah, c'est une salafia, qui connaît le Coran par cœur, aqida, salafia, manhaj, alhamdulillah, tout est parfait. Et quand il regarde, par exemple, sa beauté, elle lui plaît pas, et il va refuser la religion pour dunya. Et ça fait partie de le fiqh de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc Khadija radiallahu anha a exprimé son souhait d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a demandé à une amie à elle de transmettre ce souhait au prophète alayhi salatu wassalam. Elle a demandé à une amie à elle de transmettre ce souhait au prophète alayhi salam. Son ami, elle s'appelait Nufaysa bintu Maniyah. effectivement, le prophète alayhi salatu wa salam a accepté d'épouser Khadija radiallahu anha. Et Khadija radiallahu anha, quand le prophète alayhi salatu wa salam l'a épousée, elle avait 40 ans. Et lui, il avait 25 ans. Donc, 15 ans d'écart. Et Khadija radiallahu anha avait épousé avant le prophète alayhi salatu wa salam deux hommes. Le premier, c'est Abu Hala, Hind ibn al-Nabbash. Et le deuxième, c'est Sayfi ibn Umayya, qui sont tous les deux décédés. Khadija, bien évidemment, c'était une femme très noble dans sa tribu et son origine. Et c'était une femme que tout le monde souhaitait épouser pour son statut et pour ses qualités. Donc, Khadija radiallahu anha, c'est la première femme que le prophète alayhi salatu wassalam a épousée. Et il est resté marié avec elle jusqu'à son décès, à l'âge de 65 ans qu'elle est décédée radiallahu anha. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait 50 ans. Donc 25 ans de mariage, dans laquelle il a eu tous ses enfants avec elle uniquement. Tous les enfants que le prophète alayhi salatu wassalam a eu, il les a eu tous avec Khadija radiallahu anha, excepté Ibrahim, qu'il a eu de Maria al-Qibtiya. Mais sinon, tous ses autres enfants, il les a eu de Khadija radiallahu anha. Il a eu le premier, qui est le Qasim, et avec lequel yukanna le prophète alayhi salatu wassalam, Abu al-Qasim, c'est le premier enfant qu'il a eu avec elle. Et il a eu ensuite Zainab, puis Ruqayya, puis Kulthum, et ensuite il a eu Fatima, la plus petite de ses filles, celle qui lui ressemblait le plus et qu'il aimait le plus, radiallahu anha. Et après Fatima, radiallahu anha, il a eu Abdullah. Et Abdullah, il est né, tous ils sont nés avant qu'il devienne prophète, excepté Abdullah de Khadija, qui est né après la prophétie. Donc, il a épousé Khadija seul et il n'a pas fait de polygamie pendant son mariage avec Khadija. Il l'a épousé seul jusqu'à son décès. Et après son décès, il a épousé Sauda radiallahu anha, Sauda bint Zam'a. Un mois après le décès de Khadija radiallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son prophète pendant sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il ait devenu prophète. Il l'a préservé de toutes les pratiques de l'jahiliya, les mauvaises pratiques de l'jahiliya, toutes, et toutes choses qui puissent nuire à sa réputation. Et il l'a comblé de tout bon comportement, au point où il était connu chez les Arabes comme étant As-Sadiq al-Amin, le véridique, le loyal, à cause de ce qu'ils ont vu de son bon comportement et de sa véracité et de sa confiance. Et ainsi, il n'a jamais participé avec les gens de l'Jahiliya dans une de leurs mauvaises pratiques. Et comme on a vu précédemment, Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril alayhi salam vers l'âge de 4 ans quand il était dans la tribu de Bani Sa'd, et il a sorti ce grumeau de sang noir qui est la part de Shaitan en lui. Donc Allah a protégé et a veillé sur son prophète alayhi salatu wassalam depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devient prophète. Et il n'a jamais été taché par quelque chose de l'jahiliya, les mauvaises choses bien évidemment. Pourquoi je précise les mauvaises choses? Parce qu'il y a des bonnes choses dans lesquelles il a participé, alayhi salatu wassalam. Mais il ne participait jamais avec eux dans les mauvaises choses, l'adoration des idoles, l'alcool, zina, et ainsi de suite. Il ne participait avec eux que dans des bonnes choses, telles que cette alliance qui s'est fait appeler Hilfu al-Fudul. Nabi alayhi salatu wassalam, à l'âge de 20 ans à peu près, il a participé dans une alliance qu'a formé certaines tribus de Quraysh, à leur tête les Banu Hashim, la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'histoire de cette alliance, c'est qu'un homme de Zabid, qui s'appelle un commerçant de Zabid, je ne me rappelle pas comment il s'appelait, en tout cas c'est un commerçant qui est venu de Zabid, avec une marchandise qu'il a vendue à un Quraishite qui s'appelle Al-As ibn Wa'il, Al-Sahmi, Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il, qui est quelqu'un de très noble parmi Quraysh, quand il a pris la marchandise et qu'il fallait payer par la suite, il a refusé de payer. Quand l'homme est revenu pour récupérer son dû, il a refusé de le payer. Et cet homme a demandé aux gens de le soutenir et de l'assister contre celui qui lui a pris son droit, et de lever cette injustice. Et ceux qui se sont levés pour cette mission, c'est la famille du prophète, son oncle Zubayr, fils de Shaybat al-Hamd, fils de Abd al-Muttalib. Et le Nabi a participé dans cette alliance, que à chaque fois, cette alliance a été formée à cette occasion, mais ça a perduré, qu'à chaque fois qu'il y a une injustice, ils aident l'opprimé contre l'oppresseur, contre l'injuste. Et cette alliance a été formée dans la maison de Abdullah ibn Jad'an. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même quand il est devenu prophète, il disait, j'ai participé dans une alliance qui est plus aimé à moi que toute chose, et il a cité des choses. Et donc ça, c'est avant l'islam. Et ça, c'est des choses qui étaient positives chez les gens de l'Jahiliya, en plus d'autres choses. Et malheureusement, il y a certains comportements qu'ils avaient, on ne les trouve pas aujourd'hui chez beaucoup parmi les musulmans. Et ça ne veut pas dire que le Jahiliya est meilleur que ces musulmans de manière absolue. Mais par rapport à ces points, ils avaient des points que malheureusement on a perdu aujourd'hui. Tels que la générosité, tels que le respect des paroles et des engagements, et de tenir ses promesses au point où l'un d'entre eux il pouvait mourir et ne pas trahir une promesse ou un engagement qu'il a donné. En plus de la langue arabe qu'ils avaient et d'autres qualités, c'est pour ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Certes, j'ai été envoyé pour compléter le bon comportement. Le comportement qui était bon chez le Jahiliya, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette législation, il a été gardé. Il a été approuvé. Et les choses qui n'étaient pas bonnes ont été rejetées. Et bien évidemment, quand vous entendez parler du comportement, de l'khuluq, faut toujours avoir à l'esprit que l'khuluq, il est de trois catégories. Et les gens, quand ils parlent de l'khuluq, du comportement, en général, ils ne parlent que du comportement avec la créature. Alors que le comportement, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, Al-adab, il est de trois catégories. Avec le créateur, avec le messager et la législation, et avec les créatures. Avec le créateur, à sa tête, c'est tawhid. Quelqu'un qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de comportement. Comme bien même, il peut être souriant, il peut être généreux, il peut être accueillant, et ainsi de suite. Ça ne lui sert à rien. Il faut d'abord, le premier des comportements, et le plus important, c'est le comportement avec le créateur, et l'adab avec le créateur, qui est tout d'abord at-tawhid, l'adorer seul, sans rien lui associer, aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Deux piliers. Et le prophète Aïssa Oslam avait cette réputation au point où, dans un événement très connu, très important, quand Quraysh avait décidé de reconstruire le Kaaba. Et à cet événement, le Nabi Aïssa Oslam, il avait 35 ans. C'est-à-dire 5 ans avant qu'il devienne prophète, alayhi wassalam. Quraysh avait décidé de reconstruire le Kaaba. Et ils ont mis comme condition que les participants ne vont ramener que de l'argent halal, purement halal. Pas d'argent gagné de zina ou de riba, ni autre chose haram. Ils ont dit, on ramène uniquement l'argent purement halal. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour la construire complètement. Et c'est pour ça que le Kaaba que nous voyons aujourd'hui, elle n'a pas été construite sur les bases de Ibrahim alayhi salam, telle que Ibrahim alayhi salam l'a construite. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus d'argent pour finir la construction, ils se sont arrêtés. Et quand il s'agissait de placer Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, dans le Kaaba, dans le coin dans lequel elle se trouve, ils se sont disputés. C'est qui va avoir cet honneur de placer le Hajar al-Aswad? Jusqu'à ce qu'ils se sont mis d'accord sur une solution, ils ont dit, on va attendre la première personne qui va arriver de ce côté-là, alors c'est elle qui va placer le Hajar al-Aswad. Et le premier qui est arrivé, c'était An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient tous heureux que ce soit lui. Ils disaient, « Ja al-Amin, Ja al-Amin, le loyal est venu, le loyal est venu. » Et ils étaient d'accord que ce soit lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris son vêtement, et il l'a placé par terre, et il a mis le Hajar al-Aswad par-dessus, au milieu de ce tissu, et il a demandé à chaque tribu de porter le tissu d'un coin jusqu'à ce qu'ils l'ont rapproché vers son endroit, et il l'a pris, alayhi salatu wassalam, et il l'a placé à son endroit, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Kathir, rahimallah, n'a pas cité deux points que les savants de la biographie en général citent. Le premier, c'est qui a choisi le prénom du prophète Aïssa al-Salam et qui l'a circoncis. Il y en a qui disent que celui qui l'a circoncis, en commençant par la circoncision, ils disent le prophète Aïssa al-Salam est né circoncis. Et ça arrive. Ça, c'est pas une chose exceptionnelle au prophète Aïssa al-Salam. Il y a des enfants qui naissent circoncis. Par contre, de dire que les anges les circoncis, ça, on n'a pas le droit de le dire. Car c'est parler de l'invisible sans science. Mais la réalité, c'est qu'on voit des enfants qui naissent circoncis. Ça arrive. Après, il n'y a aucune croyance qui est liée à cela. Excepté qu'Allah Azza wa Jalla décide qu'ils naissent dans cet état. Il y en a qui disent que le prophète Aïssa al-Salam est né ainsi. Mais ce que la plupart des savants citent, Et ce qu'a cité l'imam Dahabi rahimahullah dans sa sira, c'est que le prophète alayhi sallam n'est pas né circoncis. Et c'est son oncle Abdul Muttalib qui l'a circoncis son septième jour. Il lui a fait un grand festin et il l'a appelé Muhammad. Et Abu Nuaym a rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, que la mère du prophète a vu un rêve dans lequel il lui a été ordonné de nommer son fils qui allait naître, de le nommer Muhammad et Ahmad. Car Muhammad c'est son nom dans la Torah et Ahmad c'est son nom dans la Bible. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que c'est son grand-père qui l'a nommé, Muhammad. C'est lui qui a fait ce festin et qui l'a circoncis. Et qui a, après avoir écouté ça de sa mère, il lui a donné ce prénom, Muhammad. Le deuxième point important que la plupart des savants citent dans la biographie, c'est que le prophète a fait le métier de berger. On a vu qu'il l'a fait quand il était dans la tribu de Bani Sa'd. Il s'occupait des quelques brebis qu'avait Halim al-Sa'diya. Et également, quand il était sous la tutelle de son oncle Abu Talib, il s'est occupé de troupeaux de moutons. Également. Contre des qararit, c'est-à-dire une partie d'un dinar ou d'un dirham. 1 sur 24, al-qirat c'est 1 sur 24. Il l'a fait pour des gens de Mecca. Et parmi les sagesses en cela, c'est afin de s'habituer. Et il a dit dans des hadiths authentiques que tous les prophètes, sans exception, ont fait berger. Et se sont occupés de troupeaux de moutons. Ils ont dit, même toi, au messager d'Allah, il a dit oui, même moi, contre des qararites pour les gens de Mecca. Donc parmi les sagesses, en cela, c'est d'habituer les prophètes à veiller sur leur communauté et à s'occuper de leur peuple. Et celui qui s'est déjà occupé de troupeaux de moutons, il sait combien c'est difficile et combien ça demande de la patience pour les garder réunis. Il suffit d'un petit moment, yani, de distraction, et qu'on manque de vigilance, ne serait-ce que pendant un petit moment, pour que des brebis s'écartent du troupeau et s'exposent au danger. C'est pour ça que ça demande d'être toujours très vigilant et très patient, et ainsi de suite. Également, c'est un moyen d'apprendre la modestie. Et en général, la personne s'influence des choses qu'elle côtoie dans sa vie et des choses qu'elle mange. Également, parmi les sagesses, c'est que le prophète Aïssa Salam voulait aider son oncle Abu Talib, qui avait beaucoup d'enfants et qui était dans une pauvreté, donc c'est afin de l'aider également et de l'alléger de ses propres dépenses à lui au moins. Également parce que le meilleur des gains, c'est ce que tu gagnes avec tes propres mains. Ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire miséricorde à ses serviteurs, il l'a choisi pour cette grande mission Et auparavant, le prophète, alayhi salatu wassalam, avant qu'il devienne prophète, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour cette mission. Et il lui a fait aimer le fait de s'isoler pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il allait dans la grotte qui se trouve dans la montagne de Hira. Et il s'isolait là-bas pendant tout le mois de Ramadan. Il adorait Allah. Et ça, c'est pas que le prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam qui le faisait. C'était quelque chose connu à son époque. Les gens qui avaient une piété, ils s'isolaient, ils s'éloignaient des pratiques païennes, tout ça. Ils allaient adorer Allah seul dans cet endroit. Et parmi les gens, ni de qui ça a été rapporté qu'il le faisait, Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija radiallahu anha, lui aussi, qui était un adorateur chrétien, il était sur la religion de Isa alayhi salam, et il s'isolait également pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Abu Talib, dans Salamiya, quand il a fait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, وثور ومن أرسل ثبيلا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. Il a juré par Allah, c'est-à-dire en décrivant le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'il montait dans cette montagne pour l'adoration et qu'il descendait. Qu'il allait s'isoler, il adorait Allah et après il revenait chez Quraysh. Et de cet endroit, il pouvait voir le Kaaba. De Hira, il pouvait voir le Kaaba. Et une année, pendant qu'il était dans la grotte de Hira, pendant le mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, il a été surpris par un ange qui est Jibril, alayhi salam. Il l'a pris, il l'a secoué. Il lui a dit, « Lis, iqra, qala lastu biqari. » Il a dit, je ne sais pas lire. Et il l'a secoué tellement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cru qu'il allait mourir. Et après il l'a lâché, il l'a relâché, il lui a dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire, trois fois. Il a fait ça trois fois. Et ensuite il lui a dit, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il lui a dit, اقرأ لي. لي par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis, car ton Seigneur est le plus noble, qui enseigna par le qalam, la plume, qui enseigna l'homme de ce qu'il ne savait pas. Qui enseigna l'homme de ce qu'il ne savait pas. Et donc ça, c'est sa première rencontre, alayhi salatu wassalam, avec Jibril, alayhi salatu wassalam, et c'est la première fois que Allah subhanahu wa ta'ala lui révélera. Et la première chose qui lui a été révélée, c'est les cinq premiers versets de Sourate Al-Alaq. Et c'est avec cette révélation qu'il est devenu prophète. Ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam est retourné chez lui, dans sa maison auprès de Khadija radiallahu anha, et il lui a dit qu'il craignait perdre la raison à cause de ce qui lui est arrivé. Elle l'a rassuré radiallahu anha, et elle lui a annoncé la bonne nouvelle. Elle lui a dit, « Kalla, wallahi la yukhzik Allahu abada. » Tu ne verras jamais de mal de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle s'est appuyée sur quoi pour dire cela? Elle s'est appuyée sur le bien que le prophète faisait. Et que quelqu'un qui fait le bien, Allah il le protège, il le préserve. Il ne lui arrivera pas de mal. Elle lui a dit, innaka la tasilu rahim, t'entretiens tes liens de parenté. Wa tasduqul hadith, et t'es véridique dans tes paroles. Wa tahmilu al-kal, et t'aides celui qui n'a rien. Wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr, et t'aides également les gens qui sont dans les grandes difficultés. Et elle a décrit d'autres descriptions du prophète, ce qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimullah, qu'elle a dit, la tasilu rahim, wa tahmilu al-kal, wa taksibu al-ma'doum, wa taqri al-dayf, wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Ou fi riwaya inda al-Bukhari, la tasduqu al-hadith. Donc, véridique dans tes paroles, t'entretiens tes liens de parenté, t'aides celui qui n'a rien, et t'honores ton invité, et t'aides dans le bien de manière générale. Donc ça, c'était le prophète, alayhi salatu wassalam, avant la prophétie. Et ainsi, Khadija, radiallahu anha, était la première femme, ou même était la première femme qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam, et la première siddiq qu'Allah l'agrée. Le premier véridique, c'est Khadija radiallahu anha, comme a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Et ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam est resté pendant une période dans laquelle il y a eu l'arrêt de la révélation. Il a été touché par une profonde tristesse. Et comme il a dit Ibn Kathir, rahimallah, il est parti plusieurs fois sur le sommet d'une montagne, et comme s'il voulait, alayhi salatu wassalam, se jeter de cette montagne, tellement il était triste. Cette parole a été citée par l'imam al-Bukhari dans son authentique, selon Zuhri, mais avec une chaîne de transmission interrompue. Ça n'arrive pas jusqu'à un sahabi ou jusqu'à le Nabi alayhi salatu wassalam. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, pendant cette période dans laquelle il y a eu arrêt de la révélation, depuis la première fois il a vu Jibril alayhi salam, jusqu'à la deuxième fois où il recevra la révélation, il a été touché par une très grande tristesse, une très profonde tristesse. Et cela, tellement il avait aimé la première fois de la révélation, et il voulait qu'Allah Azzawajal lui révèle quelque chose d'autre. Alayhi salatu wassalam. Et Khadija radiallahu anha, après que le Nabi alayhi salam est venu la voir, elle l'a emmené, donc tout ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, elle l'a emmené chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, comme on a vu, qui était un chrétien, et qui n'avait pas les mêmes adorations de Quraysh et des Arabes, ni les adorations anti-islamiques. Elle l'a emmené chez lui, et Nabi alayhi salam lui a raconté ce qui s'est passé. Et c'était un vieillard, un vieil homme, Waraqa ibn Nawfal. Il était aveugle. Quand il lui a raconté ce qui s'est passé, il lui a dit, ce que tu as vu, c'est le Namus al-Akbar. C'est le nom qu'il donnait à l'ange chargé de la révélation, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Il lui a dit, c'est l'ange qui est descendu sur Moussa alayhi salam. Et remarquez qu'il n'a pas dit l'ange qui est descendu sur Isa alayhi salam. Parce que les chrétiens, ils ne pensaient pas que Isa recevait la révélation. Et qu'il avait une particularité, pas uniquement comme les autres prophètes. C'est pour ça qu'il n'a pas dit c'est l'ange qui est descendu sur Isa alayhi salam. Alors que c'est l'ange qui est descendu sur Isa alayhi salam. Et Isa, il est prophète comme tous les autres prophètes, prophètes et messagers, qui font partie des 5 meilleurs messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, Ulul Azm. Et ensuite, Waraq ibn Nawfal a dit, Rahimahullah, a dit, Ya laytani fiha jada'a. Il a dit, si seulement j'étais jeune, fort, un fort jeune, pourquoi il a dit, si seulement j'étais jeune et fort, il a dit, akunu hayyan, hina yukhrijuka qawmuk, et que je reste en vie jusqu'à ce que ton peuple te fasse sortir de chez toi. Écoutez bien ici. Écoutez bien, mes frères, cette faïda. Il a dit, si seulement j'étais jeune et fort, afin de rester en vie jusqu'à ce que ton peuple te fasse sortir. Nabi Isa sallallahu alayhi wa s'est étonné. Il a dit, awa mukhrijiyahum, est-ce qu'ils vont me faire sortir? Il a dit, oui, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa 'udi. Il n'y a pas un homme qui est venu avec la même chose avec laquelle t'es venu, la vérité, l'unicité, tawhid, sans qu'il soit pris par son peuple comme un ennemi. Wa iyudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Et si je reste en vie jusqu'à ce jour-là, je t'assisterai d'une manière très forte, c'est-à-dire avec toutes mes forces. Mais Waraq ibn Nawfal, rahimahullah, est décédé peu de temps après. Et il n'était pas vivant quand Nabi Isa salam a été envoyé. On a vu qu'il est devenu prophète avec Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Il deviendra messager, comme l'a dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Thalathat al-Usul, avec Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir. Ô toi qui te couvres de manteau, lève-toi et avertis la grandeur de ton Seigneur, exalte-la, et tes vêtements purifie-les, et l'idolâtrie éloigne-t'en. Donc, il y a des savants qui disent que Nabi Isa salam est devenu prophète avec Iqra, et qu'il est devenu messager avec Surat al-Muddathir. Parce que pour eux, selon la définition qu'ils ont pris du messager et du prophète, pour eux, le prophète, il n'est pas chargé de transmettre. Il a reçu la révélation, mais il n'a pas encore été chargé de transmettre. Et le messager, c'est quand Allah le charge de transmettre ce qu'il lui révèle. Et ça, c'est une définition, bien évidemment, chez la plupart des hommes de science, parmi les muhaqqiqin, qui n'est pas la meilleure des définitions. Parce que sinon, le prophète sera comme l'alim. L'alim aura quelque chose mieux que le prophète à ce moment-là. Même l'alim, il transmet. Et le prophète ne transmet pas. C'est pour ça que les hommes de science disent que la définition la plus juste, c'est de dire que la différence entre le prophète et le messager, le prophète, il est envoyé, il reçoit la révélation, bien évidemment. Il est chargé de transmettre, bien évidemment, mais il est envoyé à des peuples qui sont en accord avec lui dans l'aqida. Et le messager, il est envoyé, yub'athu yursalu ila qawmin mukhalifin. Il est envoyé à des gens qui sont en désaccord avec lui dans la croyance, qui ne sont pas sur la même religion que lui. Alors que le prophète, il est envoyé à des gens qui sont sur la même croyance, mais pour réformer et changer le mal qu'ils ont inventé dans leur religion et ainsi de suite. Wallahu a'lam. Après cette période d'arrêt de la révélation, donc, Afwan, j'ai pas fini le fa'ida avec Waraq ibn Nawfal, il a dit, il n'y a pas un homme qui est venu avec la même chose que toi, sans qu'il soit pris comme ennemi par son peuple. Et ça, c'est valable, mes frères et sœurs, jusqu'à la fin des temps. chaque personne qui pratique sa religion comme il faut, elle sera détestée par le kuffar. Il la feront sortir s'ils ont la capacité de chez eux. Ils essaieront avec tous les moyens de lui faire du mal. Chaque personne qui pratique sa religion correctement, comme l'a fait le Nabi alayhi salatu wassalam, elle sera prise comme ennemie et détestée par les siens, et ils feront tout pour s'en débarrasser, comme ils l'ont fait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Mais quand on est faible et on néglige des choses importantes de notre religion, telles que l'amr bil ma'ruf ou nahi anil munkar, Quraysh ne disait pas au prophète alayhi salatu wassalam, ne prie pas, ne fais pas zakat, ne jeûne pas, ne laisse pas pousser ta barbe, ne te couvre pas, ne couvre pas tes femmes. Eux-mêmes, ils avaient les barbes. Et ils n'avaient pas de problème avec sa salat. Mais, ce qui leur faisait le plus mal, c'est ce qu'ils ont dit une fois à Abu Talib. Ils ont dit, il insulte nos divinités. Il rend sot nos sages, ceux que nous on respecte, on vénère. Lui, il dit du mal d'eux. Et il dénigre nos divinités et nos pratiques. Et bien évidemment, toute personne qui fait ça avec les kuffar, elle sera immédiatement expulsée ou mise en prison ou quelque chose comme ça. Nous demandons à Allah de nous faire miséricorde. Et c'est ça, mes frères, comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah. C'est ça, pratiquer correctement ta religion. Pratiquer correctement quand vous lisez dans le fatwa des savants que celui qui a le droit de rester dans un pays de kufr, c'est celui qui pratique correctement sa religion. Pour celui-là, le hijra n'est pas une obligation, mais c'est uniquement recommandé. C'est celui qui fait ça, qui fait l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Qui fait da'wa ou tawhid. Et de nos jours, ça devient encore beaucoup plus difficile dans ces pays de faire da'wa ou tawhid et de parler de l'wala et le bara. Sinon, t'es menacé, tu peux être emprisonné, arrêté de faire des discours et des cours, et ainsi de suite. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, l'anse la plus solide de la foi. Ils veulent plus que t'en parles. Ils veulent plus que tu parles de l'muslim et de l'kafir. Ils veulent plus que tu parles de la religion de vérité. Et ils vont tout faire pour que le muslimine se taise et arrête de faire da'wa à la vérité. Mais ils ruseront, et Allah subhanahu wa ta'ala rusera, wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khayrul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khayrul makirin. Et Allah azza wa jal permettra de propager sa religion, quoi qu'il fasse. Et ils ne pourront jamais mettre fin à la da'wa. La da'wa salafiya dans son authenticité. Ensuite, Allah Azza wa Jal a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les débuts de sourate Al-Muddathir également, comme on a vu, et lui a ordonné de propager la religion dans son peuple. Il a commencé par sa da'wa. Et Nabi alayhi wa sallam a fait tous les efforts et a fait son maximum avec ceux qui ont cru avec lui parmi les premiers. Et il a appelé à la religion d'Allah les petits, les grands, les libres, les esclaves, les hommes, les femmes, le noir, le rouge, les arabes, les non-arabes. Il a appelé tout le monde. Il a appelé dans les tribus. Il a fait tout ce qu'il pouvait, alayhi salatu wassalam. Et il profitait de chaque occasion pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les premiers qui ont cru en lui, Après Khadija radiallahu anha, comme on l'a vu, c'est Abu Bakr Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafa radiallahu anha. Abdullah ibn Abi Quhafa radiallahu anha. Abu Bakr Siddiq, le véridique de cette communauté parmi les hommes. Et Khadija, la véridique de cette communauté parmi les femmes. Et c'est lui qui a aidé le prophète alayhi salatu wassalam dans la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la da'wah. Et regardez, subhanallah, cet homme, on ne connaît pas de sa sira autant de choses que Omar radiallahu anhu par exemple, ou de Ali, ou de Uthman. Mais cet homme, il suffit de savoir de lui qu'il a appelé à l'islam et qu'ils l'ont accepté de lui 6 parmi les 10 annoncés au paradis. Et lui, il est le 7e. Il a appelé Zubayr ibn Awwam. Il a appelé Abdurrahman ibn Auf. Il a appelé Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a appelé Talha ibn Ubaidillah. Il a appelé Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum. Tous, hadou 5. Le 6e, c'est Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. 6 parmi les 10 annoncés au paradis, c'est Abu Bakr qui les a ramenés vers l'islam, qui leur a fait da'wah. Donc il aura toutes leurs récompenses dans sa balance. C'est pour ça, on ne s'étonne pas quand on lit dans les hadiths authentiques que la foi de Abu Bakr radiallahu anhu, dans un côté de la balance, contre la foi de toute la Umma, y compris Omar et Uthman et Ali, la foi de Abu Bakr est plus lourde dans la balance. Excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'étonne pas. Il a appelé 6 parmi les 10 annoncés au paradis à l'islam. Il a appelé parmi les grands sahaba, c'est lui qui leur a fait da'wah. Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, afwan. Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu. Il a appelé également Abu Salama, ibn Abdel Asad, le frère d'allaitement du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avec Hamza. Et également sa famille, elle est toute entrée dans l'islam. Son père, sa mère, ses enfants, son épouse, ses épouses, et ses fils et ses filles, tous sont entrés dans l'islam. Et les savants disent, comme il a dit al-Hafid Abdul Ghani, al-Maqdisi dans sa sira, il a dit, on ne connaît pas un sahabi, dans sa famille, il y a 4 générations qui sont des compagnons, excepté Abu Bakr. Abu Bakr, son père, qui est Uthman, Abu Quhafa, c'est un sahabi. Lui, c'est un sahabi. Son fils, Abdurrahman, c'est un sahabi. Abdurrahman, c'est le frère de Aïcha. C'est le frère de Aïcha, radiallahu anha, son frère germain, de la même mère et même père. Et Abdurrahman, il a un fils qui s'appelle Muhammad. Muhammad également, il est né à l'époque du prophète alayhi sallam, et c'est un sahabi. Donc Muhammad, Abdurrahman, Abu Bakr, Abu Quhafa. 4 générations, ce sont des sahabis. Et ça, il a dit al-Hafid Abdul Ghani, qu'on ne connaît ça que pour la famille de Abu Bakr radiallahu anhu. Un homme béni. Rajulun Mubarak, Abu Bakr Siddiq. Rajulun Mubarak. Un homme très doux. Quand il faut la douceur, et un homme très dur et très fort, quand il faut la dureté. Et vous connaissez tous l'histoire avec Omar radiallahu anhu, qu'on verra, inshallah, si Allah nous le permet, et que l'occasion se présente, on la verra dans le détail. Donc également parmi ceux qui sont entrés dans l'islam, parmi les premiers, Ali ibn Abi Talib. Il est entré dans l'islam à l'âge de 8 ans. Et ça a été rapporté plus. Et ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène exceptionnel pour Ali, radiallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'un enfant, en général, il suit ses parents. Et ses parents ne sont pas entrés dans l'islam encore. Ali Abu Talib n'entrera jamais dans l'islam. Mais sa mère entrera dans l'islam par la suite. Mais ses deux parents ne sont pas encore musulmans. Et lui, c'est un enfant, et il va suivre l'islam, il va faire un choix comme celui-là, à l'âge de 8 ans, ou un petit peu plus, Mais l'imam Ibn Kathir a cité 8 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, et Allah Azza wa Jal l'a comblé de cette ni'ma d'entrer dans l'islam, yani, aussitôt. Et il a été rapporté qu'il est entré dans l'islam Abu Bakr, avant Abu Bakr radiallahu anhu, ou après, mais on va voir une parole qui va nous permettre de mettre fin à toute cette divergence, qui a été citée par Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimallah. Mais de toute manière, il a dit Ibn Kathir, son islam n'est pas la même chose que l'islam de Abu Bakr Siddiq, de toute façon, même si on dit qu'il est entré dans l'islam avant lui, alors, yani, c'est pas la même chose, bien évidemment. Abu Bakr, et qui arrive à Abu Bakr radiallahu anhu? Et en plus, il était Ali radiallahu anhu, il était sous la tutelle du prophète alayhi salatu wassalam, car il l'avait pris en charge pour alléger son oncle Abu Talib. Également Khadija radiallahu anha, et également Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha également est entré dans l'islam, parmi les premiers. Et pour résumer cette divergence, et c'est ça, yani, la meilleure des paroles, c'est de dire, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, que le premier qui est entré dans l'islam parmi les femmes, c'est Khadija. Et le premier parmi les hommes libres, c'est Abu Bakr. Et le premier parmi les enfants libres, c'est Ali ibn Abi Talib. Et le premier parmi les alliés, ce qu'on appelle Mawali. Al-Mawali, c'est l'homme quand tu l'affranchis, quand c'est un esclave chez toi, tu l'affranchis, il devient un Mawla. Il y a un certain lien entre toi et lui qui est dû à cet affranchissement. Et c'était le lien qu'il y avait entre Zayd ibn Haritha et le prophète alayhi salam. Parce que le prophète alayhi salam l'a affranchi. Donc il restait ce lien d'alliance entre lui et le prophète alayhi salam. Donc le premier qui est entré dans l'islam de cette catégorie, c'est Zayd ibn Haritha. Et le premier qui est entré dans l'islam parmi les esclaves, c'est Bilal ibn Abi Rabah, radiallahu anhum jami'an. Ça, c'est les premiers dans l'islam. Ça, ce sont les premiers sahaba qui sont entrés dans cette religion et qui l'ont acceptée. Et ils ont leur mérite qu'on doit connaître. Et parmi ceux qui sont entrés également les premiers dans l'islam, c'est Waraq ibn Nawfal, selon un avis. Il y a une divergence à son sujet. Est-ce qu'il est entré dans l'islam ou pas? Ou est-ce qu'il est mort sur la religion chrétienne? Mais la certitude par rapport à lui, c'est ce qui est rapporté dans le hadith authentique. C'est que Waraq ibn Nawfal, rahimahullah, est au paradis. Car le Nabi alayhi sallam a dit qu'il l'a vu au paradis. Il l'a vu en ayant un paradis ou deux. Et ça a été authentifié par le Hakim et Dhahabi rahimahullah également. Et Cheikh Al-Albani l'a cité dans As-Silsila Sahiha, numéro 405. Nabi alayhi sallam a dit, n'insultez pas Waraqa, car j'ai vu pour lui au paradis, j'ai vu pour lui un paradis ou deux. C'est-à-dire que c'est un homme du paradis. Donc, ou bien il est mort sur la religion chrétienne et qui n'était pas encore abrogé, et c'est un homme du paradis, ou avec sa foi en la véracité du prophète alayhi sallam, donc c'est également un homme au paradis. Mais dans ce cas-là, ce sera un sahabi. Ce sera un sahabi, et ce sera, yani, le premier des sahaba. Ibn Hajar, rahimallah, l'a cité dans son livre, l'Isaba, il l'a cité dans la liste des sahaba, radiallahu anhum. Donc, il y a des savants qui disent que il a cru au prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, mais il est décédé avant qu'il propage son message. Et c'est pour ça, il a dit, si j'étais jeune et fort, quand ton peuple allait te sortir, je l'aurais soutenu d'une manière très forte, avec toutes mes forces. Rahimahullah. Donc, de cette manière, avec ce point on va terminer, de cette manière sont entrés dans l'islam ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé cette ni'ma immense et qui ont été comblés par cette ni'ma de l'islam et à qui Allah a accordé cette clairvoyance et cette guidée. Et ils ont subi ce qu'ils ont subi des kuffars de Quraysh. Et les supplices vont démarrer. Ça, on va le voir beaucoup plus en détail dans le cours prochain, bi'idnillah. Et Nabi alayhi salatu wa salam, malgré que ses compagnons ont subi, lui, il a été préservé et protégé par son oncle Abu Talib. À cause de sa noblesse et de son statut chez Quraysh, il n'osait pas lui faire du mal à cause de son oncle, jusqu'à ce que son oncle est décédé. Et subhanallah, regardez, et avec ça je termine, regardez comment la guidée, hidayat al-tawfiqi wa sadad, est entre les mains d'Allah. La guidée des cœurs, c'est entre les mains d'Allah. C'est lui qui la possède. Ça lui appartient à lui seul. Et personne ne peut guider le cœur de quelqu'un. La guidée de l'orientation, de montrer le bon chemin, le vrai du faux, ça, c'est entre les mains des prophètes et de leurs héritiers parmi les hommes de science. Mais par contre, la guidée de la mise en pratique, ce qu'on appelle hidayat al-amal, et ce qu'on appelle hidayat al-qulub, la guidée des cœurs, ça appartient à Allah seul. Regardez Abu Talib, avec tout l'amour qu'il avait pour le prophète, alayhi salatu wa salam, et malgré tout ce qu'il savait de lui, de sa confiance, de sa véracité, au point, et ça a été rapporté de lui qu'il a dit, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. Il a dit, j'ai su que la religion de Muhammad est la meilleure des religions, si seulement je ne craignais pas les blâmes, ou que je me fasse insulter, tu m'aurais trouvé dans son suivi, et le suivi de sa religion. Et par rapport à ça, il y a une histoire qui est rapportée dans les deux authentiques, que quand la mort est arrivée à Abu Talib, Nabi alayhi salam est parti lui rendre visite. Il y avait chez lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Il y avait chez lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, deux mécréants. Abu Jahl, il va mourir dans la mécréance. Et Abdullah ibn Umayya est entré dans l'islam par la suite. Et Nabi alayhi salam lui a dit, Ya Ham, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dis la ilaha illallah. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Une parole avec laquelle je pourrais être bénéfique et profitable, je pourrais te défendre auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et intercéder en ta faveur, si tu meurs sur tawhid, dis la ilaha illallah, car il connaît sa signification. Aujourd'hui, tu dis pas à quelqu'un, dis la ilaha illallah seulement, tu lui expliques la ilaha illallah, pas comme le font certains ignorants, qu'Allah nous guide et les guide. On a perdu notre langue arabe. Même les arabes aujourd'hui, ils apprennent la langue arabe. Abu Talib, il connaît la signification de la ilaha illallah. C'est pour ça, même Abu Jahl, il a dit, si c'était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Mais il sait que ça implique des choses. Ça a une signification qu'il doit mettre en pratique. Et lui, il veut pas. À cause de l'orgueil et du statut. Et de ce qu'on va voir aujourd'hui qui est le plus grand problème jusqu'à notre époque. Et il a dit, dis la ilaha illallah. Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya lui ont dit, atarghabu an millati Abdul Muttalib, tu vas délaisser la religion de tes ancêtres, de Abdul Muttalib, de ton père. Regardez cette hujja, cet argument. Comme il a dit l'imam Mohammed ibn Abdelhab, maudit, cet argument maudit qui lui ont sorti et qui est très fort dans leur cœur. Et encore aujourd'hui, lui ont dit, « Atarghabu an millati Abdul Muttalib, Tu vas délaisser la religion de tes ancêtres. Et Nabi alayhi sallam lui a répété, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle j'intercéderai en ta faveur auprès d'Allah. Et eux, ils ont répété la même chose. Et il a fini par dire, huwa ala millati Abdul Muttalib. Le rapporteur n'a pas voulu dire, Abu Talib, il a dit, ana. Mais le rapporteur n'a pas voulu dire, ana. Je suis sur la religion d'Abdul Muttalib. Il a dit, il est sur la religion d'Abdul Muttalib. Il est décédé dans le kufr, wal'iyadu billah. Il a refusé de dire, la ilaha illallah. Et regardez, l'effet des mauvaises fréquentations, c'est le destin d'Allah avant tout, mais il y a des causes. Regardez cette mauvaise fréquentation qu'il avait à Abu Talib, à Abu Jahl. Et quelle mauvaise fréquentation. Et ça, on doit tirer le leçon, nous également, par rapport à nos fréquentations. Fréquente que des gens pieux qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui t'indiquent ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu les vois, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et éloigne-toi de ceux qui te poussent dans l'égarement, ou dans le bid'a, ou dans le shirk, ou ceux qui te font perdre ton temps dans des futilités. Et rapproche-toi plus de gens qui t'aident à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ilm, al-nafi' wal-amal salih, la science bénéfique et profitable, et les œuvres acceptables. Et il a refusé de dire la ilaha illallah. Et Nabi alayhi salam, bien évidemment, vous savez comment il aimait Abu Talib, tout ce qu'il a fait pour lui, comment il l'aimait, un amour naturel, qui n'est ni sujet de blâme, ni sujet d'éloge. C'est un amour que tu choisis pas, l'amour naturel que tu as pour les membres de ta famille, ta mère, ton père, qu'ils soient mécréants, musulmans, tu l'aimes. Ça, c'est ce que l'ulama appelle al-hubb al-tabai. Ou tabi'i, l'amour naturel, que tu choisis pas. Et on te loue pas parce que t'aimes ton père, et on peut pas te blâmer parce que t'aimes ton père. Ça, c'est un amour naturel que tu choisis pas. L'amour qui est sujet de blâme et d'éloge, c'est l'amour choisi, l'amour en Allah. Si t'aimes ton père en Allah, ça c'est une adoration. En plus de l'amour naturel. T'aimes ta mère en Allah pour sa piété et ainsi de suite. Ça c'est un amour qui est une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi alayhi sallam était très triste suite à la mort de son oncle Abu Talib. Et il a dit, je demanderai à Allah de te pardonner tant qu'Allah ne me l'interdise pas. Tant qu'Allah ne me l'interdise pas. Regardez l'adab de Nabi alayhi sallam avec son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a révélé, suite à cet événement, il a révélé مَا كَانَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les associatres, combien même ce sont des proches parents, après avoir eu la preuve évidente qu'ils font partie des hôtes de l'enfer. Et Allah Azza wa Jalla a révélé également, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Tu ne guides pas ceux que t'aimes, mais c'est Allah qui guide ceux qu'il aime, ceux qu'il veut. Tu ne guides pas ceux que t'aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Voilà mes frères pour aujourd'hui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et les actes, de nous aider à réformer notre apparence et notre intérieur, et de nous maintenir sur la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.